Le destin ne désarme jamais, par Nicole Morand. Chapitre 1er. Comme mademoiselle est jolie ce soir, remarqua la vieuse admirative. Et Josiane, qui de fait avait mis à se maquiller plus de soin que de coutume, regarda le miroir à trois faces avec davantage d'attention. Il lui renvoyait trois images. De face, un visage rond et plein, une bouche drue comme une cerise. De profil, une silhouette mince à la taille incroyablement fine, un nez droit et sensible, et de dos, une nuque jeune, bien dessinée, et des cheveux relevés en chignon d'une belle couleur châtain roux. Elle avait l'air ainsi d'une petite fille qui s'est déguisée en dame. Sans savoir pourquoi, ce jour-là, elle se sentait heureuse et c'était peut-être la joie intérieure, plus encore que les fards harmonieusement choisis et disposés, qui lui faisaient ce visage éclatant. Elle eut d'abord un sourire pour sa propre image, et puis, lentement, il s'effaça, tandis qu'une ombre obscurcissait son regard. À quoi lui servait d'être belle, longue et pulpeuse, dans sa robe du soir, puisque Didier n'était pas là? Il y avait 3 ans déjà que la guerre les séparait, et ils s'étaient connus si peu de temps. Il suffisait à Josiane de clore un instant les paupières pour revoir la scène plutôt comique de leur première rencontre. C'était tout au début de la guerre, en novembre 1939. Il était 10 heures du soir et Josiane allait faire une courte visite à une vieille amie malade. Au moment où elle allait pénétrer dans l'ascenseur, un soldat s'était effacé pour la laisser passer. « Quel étage ? » avait-il questionné. « 5e. Parfait. » Il avait appuyé sur le bouton. La cage était presque en haut de sa course lorsque tout à coup elle s'immobilisa tandis que tout s'éteignait. Une panne d'électricité. L'homme avait fait craquer une allumette, demanda avec un sourire. « Vous n'avez pas peur ?»« Ma foi, non, monsieur, pas du tout. » À la flamme rapide et brillante, Josiane avait mieux vu son compagnon. Très grand, bâti en force, il dégageait une impression de puissance, mais le front d'intellectuel, les lèvres moqueuses, les yeux tendres, corrigeaient ce que l'ensemble aurait pu avoir d'un peu trop massif. « Souhaitons que cela ne dure pas trop longtemps, » dit-il, « car nous sommes bel et bien prisonniers. » Ils étaient arrêtés en effet à mi-hauteur entre 2 étages. Avertir le concierge, il n'y fallait pas songer puisque le courant faisait totalement défaut. Il n'y avait qu'à espérer la rentrée tardive d'un locataire des étages supérieurs. Et encore, il n'était pas sûr qu'il pût leur être utile car il aurait fallu forcer les portes. C'est ce qu'il expliqua à Josiane avec bonne humeur et la jeune femme avait répondu sur le même ton. « Je ne compte guère sur les locataires attardés. » Car ma vieille amie habite seule à l'étage. Le 4e est inoccupé et le 6e loge des domestiques qui doivent rentrer par l'escalier de service. Seule l'électricité peut nous délivrer. Vous alliez chez Madame Gardet? Mais oui, vous la connaissez aussi. C'est également chez elle que je me rendais. Permettez-moi de me présenter. Puisque aussi bien nous ne faisons que devancer un peu les présentations que fait notre ami Didier Aulieu, avocat dans le civil. Mais pour l'instant, fantassin de seconde classe. Josiane Marnier, artiste dramatique. La scène et le barreau réunis dans un ascenseur en panne et se découvrant des amitiés communes, un bon titre, quoique un peu long, pour un reportage. Vous fumez ? Volontiers. La panne invraisemblable avait duré toute la nuit, ou presque, puisque c'est seulement un peu avant 5 heures, le lendemain matin, qu'une secousse avait ébranlé leur prison qui s'ouvrait, la seconde d'après sur le palier du 5e. Comme de vieux amis, Josiane et Didier avaient bavardé, fumé, ri. Au bout d'un assez long moment, Josiane, fatiguée, s'était tout simplement assise par terre et son compagnon l'avait imitée. Non moins simplement, elle s'était endormie, assoupie plutôt, quelques instants, appuyée contre lui. Aujourd'hui encore, elle retrouvait le charme de cette nuit fraternelle, pure, tendre. L'un et l'autre, ils s'étaient peu à peu racontés. Fils d'un haut fonctionnaire, dont la fortune personnelle eût suffi à assurer une large aisance à toute la famille. Didier avait eu la jeunesse heureuse et facile d'un fils de famille. Sa vive intelligence et son goût du travail l'avaient assuré des succès brillants aux examens. À 28 ans, on le considérait au palais comme promis à une plus belle carrière, voire au bâtonnat. La guerre était venue, qu'il l'avait arraché à ses dossiers, mais il ne se plaignait pas. Josiane avait compris qu'il faisait son métier de soldat gravement, avec foi, avec la certitude de remplir une mission sacrée, et comme la jeune femme s'étonnait qu'il fût simple seconde classe, avec la culture qu'il possédait, Didier avait répondu. J'ai horreur des grades, et j'ai refusé de suivre le peloton. Je ne me sens pas l'âme d'un chef, et je trouve des joies infinies au commerce de tous ceux qui, comme moi, sont la masse dans l'armée. » Josiane avait elle aussi parlé de son enfance heureuse, certes, mais un peu ballottée à travers toute la France. Son père était un acteur connu, aimé en province tout autant qu'à Paris, et qui faisait avec sa troupe de fréquentes tournées. Élevée dans un milieu d'artistes, sa mère jouait également, Josiane n'avait pas envisagé d'autre métier que celui de ses parents et des amis qu'il fréquentait, le théâtre. Elle avait préparé le conservatoire, y était entrée, y avait travaillé, en était sortie avec deux premiers prix, un de tragédie, un de comédie. Bien entendu, ses succès d'école lui avaient valu tout de suite un engagement sur le boulevard et depuis, elle n'avait cessé de monter, lentement mais sûrement, vers la grande vedette. À 23 ans, elle avait déjà un joli passé dans les fastes du théâtre. Au moment de sa rencontre avec Didier, elle tenait un grand rôle dans une pièce à succès. « Inutile de vous demander si vous aimez votre métier », avait dit le jeune homme. « Bien sûr que je l'aime », avait répondu Josiane. « Mais voyez-vous, je crois que je n'ai pas le feu sacré. C'est par hasard que je suis actrice, non par vocation. J'ai suivi les traces de mon père. Maintenant que je considère les choses avec un peu de recul, je me rends compte qu'au conservatoire, j'avais tout de la bonne élève, sans plus. Je sens mes rôles, du moins je le pense, mais s'il me fallait quitter la scène sur l'heure, je n'aurais aucun chagrin, je crois. Au fond, je suis une bourgeoise. J'aime bien plus que l'atmosphère des coulisses et la vie d'intrigue de la plupart de mes camarades. J'aime les soirs calmes, la vie à deux, les longues conversations. Une de mes plus grandes joies, c'est de venir comme ce soir passer une heure avec Madame Gardet. Elle m'accueille très tard, quand je sors du théâtre. Aujourd'hui, je lui aurais fait la surprise de venir tôt, car on donnait exceptionnellement un spectacle coupé qui m'a laissé libre de bonne heure. Ce que Josiane n'avait pas dit à Didier, c'est que depuis un an, elle était devenue la maîtresse de son partenaire. Elle avait cédé un peu par affection, car Jean Ferrand était un bon camarade, un peu par vanité, car une femme est toujours flattée de susciter le désir chez un homme, un peu par beulerie aussi, car c'est si pratique de jouer les rôles d'amoureuse de la scène quand on les vit dans le privé. Mais Jean Ferrand était très différent de Josiane. C'était un homme de théâtre, lui, un vrai, qui subordonnait tout à son métier. Follement arriviste, il voyait dans sa liaison avec Josiane, artiste coté, un moyen d'aider à son propre succès, une publicité flatteuse. Il était très beau, superficiel comme le sont la plupart des artistes, très imbu de son talent, réel d'ailleurs. Et Josiane, souvent près de lui, avait rêvé d'autre chose, d'un homme différent, moins beau peut-être, mais occupé d'autre chose que de son métier et de son avenir. En tout cas, jamais elle n'avait pensé à devenir la femme de Jean Ferrand. Quand Josiane et Didier s'étaient trouvés devant la porte de Madame Gardet, un fou rire les avait secoués. « On ose sonner à cette heure-ci ?» avait demandé Didier. « Pourquoi pas ?» avait répondu Josiane en riant. « Madame Gardet dort très peu. Vous le savez sans doute comme moi. Elle a dû s'inquiéter de ne pas me voir hier soir, de ne pas vous voir non plus, si elle vous attendait aussi. Allons la rassurer tout de suite. Elle sera la première à s'amuser de notre peu banale aventure. » Ce fut Céline, la vieille bonne de Madame Gardet. Céline couchait à l'appartement depuis de longues années, qui accourut au coup de sonnette. Elle ouvrit des yeux effarés. « Mademoiselle Josiane, Monsieur Didier, à cette heure-ci. « Ne vous affolez pas, Céline, » dit Josiane. « Il n'y a rien de grave, seulement une panne d'ascenseur. « Prévenez, madame, que nous sommes là, monsieur Houlieu et moi. » Quelques secondes plus tard, les deux jeunes gens pénétraient dans la chambre de la vieille dame, surprise autant qu'amusée, qui demanda tout d'abord « Mais vous vous connaissez ?» Et ce fut Didier qui répondit « Fort bien, nous avons passé la nuit ensemble. » Tous les trois plaisantèrent sur leur nuit et sur leur aventure pour le moins originale. Madame Gardet était une femme exquise, ravissante sous ses bandeaux blancs, extrêmement fine et cultivée, ayant gardé, malgré les années et un état de santé précaire, un esprit très vif, assez caustique et sachant donner à la conversation un tour plein d'intérêt et d'imprévu. Céline apportait bientôt un café brûlant accompagné de tartines savoureuses auxquelles Josiane et Didier firent honneur, tout en bavardant avec leur vieille amie. Josiane, un peu fatiguée, écoutait plus qu'elle ne parlait. D'ailleurs, son esprit s'évadait. Au fur et à mesure que passaient les heures, elle se rendait compte de la valeur de Didier. de sa forte personnalité, et malgré elle, la jeune femme établissait un parallèle entre l'avocat et son amant, l'acteur Jean Ferrand. Comme ces deux hommes étaient différents. Combien Didier était plus racé, plus attirant. Mais celui-ci se levait, prenait congé. « Déjà, disait Madame Gardet, je vous reverrai tantôt, j'espère. Cette visite matinale ne compte pas. Hélas, madame, ma permission est terminée. Je n'avais que 24 heures. Je dois regagner Étampes avant midi. J'espère revenir bientôt, si on ne nous déplace pas trop vite. » Josiane n'avait pas lié en entendant ces mots. Quelque chose s'était brisé en elle, déjà la séparation. Elle ne verrait plus jamais ce garçon vers qui il apportait un élan irraisonné. La chambre lui parut soudain hostile, pourtant si douillette. Le pâle soleil de novembre, qui filtrait à travers les rideaux depuis quelques instants, lui sembla s'obscurcir. Un regret s'insinua en elle. « Vous avez gâché votre soirée unique, » dit-elle. « Non, puisque je vous ai connu. » La réponse avait jailli, spontanée, avec une sincérité qui fut un baume pour Josiane. Elle resta seule avec sa vieille amie, mais elle n'avait plus envie de parler. Son esprit était parti sur les traces de Didier. « Vous êtes distraite, Josiane, » remarqua Madame Gardet. « Fatiguée, sans doute. » La jeune femme sauta sur le prétexte offert. « Un peu, je l'avoue. Et vous allez m'excuser de vous laisser si vite. « Allez, mon petit, allez. Mais je vais vous dire comme ma Didier, cette visite ne compte pas. Je vous attends très bientôt. » À peine Josiane était-elle rentrée chez elle que le téléphone sonnait. C'était Jean. « Que se passe-t-il ? » demandait l'artiste. « Je t'ai demandé deux fois déjà et ta femme de chambre me répond que tu n'es pas rentrée. Je suis follement inquiet. »« Je ne vois pas pourquoi tu serais inquiet, » jeta Josiane nerveuse. « Il m'est permis de passer la nuit chez une amie sans avoir à te demander la permission, je pense. Mais tu aurais pu me prévenir hier soir au théâtre. J'ai oublié, voilà tout. » Josiane répondait sèchement. Elle ne voulait pas parler de son aventure. Elle voulait garder pour elle seule le souvenir de la nuit merveilleuse. La sollicitude de Jean, son inquiétude, que lui importait. « Enfin, l'essentiel est qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux. » continuait Jean, conciliant. « À tantôt, comme d'habitude. » « Non, pas aujourd'hui. J'ai plusieurs essayages. Je n'aurai pas une minute. Nous nous retrouverons au théâtre. » Elle raccrocha d'un geste sec, sans attendre la réaction de Jean. Une période d'instabilité d'humeur commença ce jour-là pour Josiane, et son amant fut le premier à en souffrir, avec d'ailleurs une certaine philosophie. La jeune femme ne pouvait retrouver l'équilibre moral qu'elle avait connu jusqu'alors. La pensée de Didier ne la quittait pas. Et contre toute attente, elle espérait. Savait-elle exactement ce qu'elle espérait? 15 jours avaient passé depuis la rencontre dans l'ascenseur. La vie continuait. Tous les soirs, la scène, dans la journée, les répétitions, les couturiers, les matinées de bienfaisance, les obligations professionnelles. Les rares heures tranquilles, un livre à la main, un livre que Josiane ne lisait pas. Et ce soir-là, pendant la première scène d'amour, elle le vit dans la salle, lui, Didier. Dès cet instant, elle ne joua que pour lui. Elle se surpassa et tout le monde le remarqua. Jean le premier, qui, à la sortie de scène, ne put s'empêcher de dire « Tu as été épatante tout à l'heure, mon petit. La salle est emballée. Nous allons avoir un succès magnifique ce soir. » L'entracte vit dans la loge de Josiane une affluence de visiteurs. Mais celui qu'elle eût aimé entendre la féliciter ne vint pas. Et ce fut en vain que ses yeux fixèrent la porte de la loge. Didier ne se présenta pas. Il était toujours là, pourtant, au second acte, et Josiane joua encore avec le même feu, la même passion, la même envolée, qui lui valurent des rappels frénétiques. Vint un nouvel entracte et toujours pas de Didier. La jeune femme prit une décision immédiate. Puisqu'il ne venait pas à elle, c'est elle qui irait à lui. Et sitôt sortie de scène, un peu plus tôt que ses camarades, elle reprit rapidement sa tenue de ville et s'enfuit devant le théâtre, attendant la sortie du public. Monsieur Aulieu. Elle avait posé sa main sur le bras du soldat qui se montra surpris, heureux peut-être, car une note joyeuse sonna dans sa voix. Mademoiselle Josiane, vous. Elle ne biaisa pas. J'étais sûre que vous ne viendriez pas me chercher puisque vous n'avez pas paru dans ma loge, dit-elle, alors je suis venue. Je ne voulais pas vous déranger. Je pensais que vous deviez avoir des admirateurs plus brillants que moi. C'est vous, pourtant, que j'avais envie de voir ce soir. Didier s'inclina avec un sourire. Très flatté, Vous permettez que je vous emmène souper quelque part ? Pourquoi ne viendrez-vous pas chez moi ? Vous rappelez, peut-être, mes confidences dans l'ascenseur. J'ai horreur de la foule. Nous serions si bien chez moi. Je crains d'être indiscret. Pourquoi ? Puisque c'est moi qui insiste. Et Didier ne s'était pas fait prier davantage. Il avait suivi Josiane dans sa demeure, un vaste atelier de Montparnasse que la jeune femme avait meublé de choses anciennes. « Asseyez-vous là, » dit-elle à Didier en lui désignant une bergère profonde tout près du grand feu. « Je suis à vous tout de suite. »« Je n'aime pas faire veiller ma femme de chambre. C'est moi qui vais préparer notre dînette. Mais ce sera très vite fait. Tout est prêt. » Didier, en effet, avait à peine eu le temps de tirer quelques bouffées d'une cigarette, que son hôtesse était déjà de retour, poussant une table roulante chargée d'un souper appétissant. Poulet froid, tout doré dans sa carapace de gelée, salade de pourpre et d'or dans sa jatte de cristal, fromage odorant et pâtisserie alléchante. Une bouteille au goulot doré trempait dans le seau à glace. Les verres ciselés et l'argenterie luisaient doucement, et Didier ne put s'empêcher de demander « Mais vous m'attendiez ?» Josiane eut un rire léger pour répondre « Certes pas ce soir, mais je soupe toujours en rentrant du théâtre et, ne vous ai-je pas dit mes goûts de bourgeoise ?» J'aime avoir tout ce qu'il faut à la maison au cas où j'aurai à recevoir des hôtes imprévus. Et c'est fréquent, sans doute, dans votre métier ? Josiane rougit légèrement, mais ne répondit pas. Elle s'installa en face de Didier, et tous deux firent honneur au souper improvisé, bavardant à bâton rompu comme déjà de vieux amis. Encore en permission ? Questionna Josiane soudain. Encore ? C'est un mot de reproche. Quelle idée ! Vous m'avez empêché d'exprimer ma pensée jusqu'au bout. Je voulais ajouter, j'espère qu'elle est plus longue que l'autre. Et exactement de même durée. Cette fois encore, je n'ai qu'une nuit. Mais nous ne la passerons pas ensemble, ajouta Didier en riant. Pourquoi ? Êtes-vous pris ? La question avait jailli, irréfléchie, indiscrète sans doute, mais Didier ne sembla pas s'en formaliser, et très simplement il répondit, non. Alors, qui nous empêche de la passer ensemble ? Josiane s'était levée. Elle était debout devant son hôte, ayant posé une main sur son épaule, et elle se pencha pour ajouter avec un sourire, la voix plus basse. « Je n'ai pas d'ascenseur à vous offrir, bien sûr, mais... » Elle avait tendu ses lèvres, et Didier, troublé, tenté par le beau corps pulpeux, avait accepté le baiser offert. Il était resté. Mais la nuit d'amour passionné n'avait pas effacé en Josiane le souvenir de l'autre nuit, si pure, si tendre. Dans les bras de Didier, elle se sentait une autre femme. C'était cela, l'amour. Cette chose qu'elle connaissait pour la première fois. Cet abandon délicieux après l'acte de chair. Cette tendresse qui dure jusque dans le sommeil dans les bras de l'homme. Josiane aimait Didier, mais elle n'osait pas le lui dire. Avec quelque tristesse, elle pensait qu'il n'aurait pas cru à sa sincérité. Une actrice, pour ce bourgeois rangé, ne pouvait être qu'une femme aventure. Tout à l'heure, ne l'avait-il pas sous-entendu en disant « Et c'est fréquent sans doute dans votre métier de recevoir des hôtes imprévus ?» Et puis ne s'était-elle pas offerte ? N'était-ce pas elle qui l'avait attendu ? Elle qui avait insisté pour le faire venir dans son atelier ? Elle qui avait tendu ses lèvres ? La jeune femme était trop fière pour se disculper, pour dire à Didier ce qu'elle était exactement, lui expliquer qu'il n'y avait eu que Jean dans sa vie et que Jean... Mais Didier s'éveillait. L'étreignait encore et Josiane oublia tout dans l'ivresse de l'amour. Didier ne se rendormit pas. Il consulta sa montre. 8 heures déjà ? Il faut que je repasse chez moi et que j'attrape mon train à 10 heures, à Austerlitz. Tu m'écriras, Josiane. Promis. Et Didier partit, emportant l'amour de Josiane dont il ignorait la profondeur.